Art & Soul, tous les mardis de 18h à 19h, présenté par Timothée Milton, Huggy Anton et Guillaume. Art & Soul. L'émission Art & Soul avec Huggy qui vient de nous rejoindre à l'instant. Bonjour Huggy. Salut Guillaume. Ça va bien? Ça va et toi, en pleine forme? Bah écoute, tout baigne. Toujours heureux de vous revoir comme ça. Hein. Ah bah c'est clair, il y en a encore un qui se fait désirer, mais bon. C'est pas grave, on lui réservera une petite intro tout à l'heure. Comme d'habitude. Alors, le programme de ce soir, Huggy. Bah, une petite présentation, donc, avec comme d'habitude la première demi-heure qui sera consacrée aux nouveautés, au coup de cœur de la semaine. Dans la deuxième partie, une présentation d'un label, le label Tony Records, ainsi que d'un artiste français, Frank Roger. On présentera aussi le club Stéréo Sushi à Anvers. Puis on passera par l'agenda des soirées et on terminera par un petit track Remember pour les amateurs de rétro. Hein. Excellent. On peut peut-être même donner tout de suite l'adresse MySpace de l'émission. www.myspace.com/artandsoulsound. Impeccable. Et vous retrouverez les anciennes émissions qui ont été enregistrées, les infos, toutes les infos qui concernent l'émission ou moi et Timothée, entre autres. Voilà, et si vous avez des commentaires à faire, eh bien n'hésitez surtout pas à le faire si toutefois vous êtes inscrit sur MySpace, sinon si vous ne l'êtes pas, eh bien inscrivez-vous de suite. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Première news avec justement. Eh bien, on retrouve Mary Mary et Jojo Flores avec le titre Feeling Good sur le label finlandais Eya Hi-Fi. Production qui sortira à mon avis d'ici un mois et demi. J'ai reçu ça cette semaine et j'ai trouvé ça assez sympa. Ça sonne un peu l'été, honnêtement, avec le soleil qu'il y a. Il manque plus que les degrés. Ah bien voilà. Eh bien voilà, on commence très très bien l'émission. Hein. Installez-vous en tout cas très confortablement. C'est l'émission Art & Soul qui vous accompagne jusqu'à 19h. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Bonne humeur et un petit peu de soleil avec du bon son. C'est l'émission Heart and Soul depuis 18h maintenant avec la première nouveauté, le Marish Marish et Jojo Flores avec le titre Feeling Good sur le label Eya Ifi. Plus d'informations peut-être pour nos amis de MySpace. Donc pour ceux qui sont sur myspace.com slash DJ Jojo Flores, J-O-J-O Flores, F-L-O-R-E-S, ou sinon sur le site du label www.eyaifi.com. Eya, donc c'est H-E-Y-A-H-I-F-I.com. Excellent! Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. Et on enchaîne justement avec la deuxième nouveauté de la soirée. On part toujours dans les pays nordiques. Hein. Là, on va aller retrouver l'ami Tiger Stripes, suédois, avec cette collaboration avec Jérôme Sindenham, avec le titre Élévation, avec le remix d'Argy sur le label Ibadan, label de un des labels, je pense, de Dennis Ferrer et Kerry Chandler. Ah, c'est bien possible. On l'avait déjà présenté, voilà. Je crois. Hein. Oui, très bon label, encore avec une production un peu deep minimal, on peut appeler ça, un peu tribal. Donc c'est parfait en ce temps-ci. Eh ben on va écouter ça avec beaucoup d'attention. maintenant la deuxième nouveauté de la soirée avec Tiger Stripes et Jérôme Sindenham sur le label Ibadan Records, avec les titres, plutôt pas les titres, mais le mix de Elevation Argy. Peut-être on peut rappeler aussi l'adresse de MySpace une nouvelle fois, mon petit Yogi. www.myspace.com/Ibadan. Ibadan. Un bon .com là. .com. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Alors, il y a bientôt Timothée qui va nous rejoindre, parce que bon, ce grand monsieur travaille, il est nourrice agréée en fait. Il nous parlera peut-être un petit peu tout à l'heure de son job. Donc si toutefois vous êtes chez vous, vous avez des petits enfants, eh bien Timothée sait très bien changer les couches, donc vous pouvez toujours nous appeler si toutefois vous avez un petit coup de main. Hein, on ne sait jamais, il ramène son sachet plastique et sa serviette. Ses couches pampers. Et ses couches pampers. Allez, troisième nouveauté tout de suite. Donc avec l'américain JG, avec sa chanteuse Latrice Barnett sur le titre Starting Over sur le label Shifted Music. Un titre un peu plus chanté que ce qu'on a pu écouter auparavant. Un peu plus dynamique d'ailleurs. Ça sent le soleil aussi ça. Sophie avec un instant la troisième nouveauté de la soirée. JG feat. Latrice Barnett avec le titre Starting Over disponible sur le label Shifted Music. Et plus d'informations, adresse MySpace, mon petit Huggy. MySpace.com/JG. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Et on ne perd pas de temps dans l'émission Earth and Soul car on enchaîne tout de suite avec la nouveauté numéro 4. Donc c'est David Arness et Roland Clark pour le titre The DJs sur le label Foliage. Un titre bien dancefloor. À mon avis, vous pourrez l'entendre assez régulièrement du côté de l'Escape, je pense. Ah, également, très très bonne publicité. Et sinon, d'ici quelques instants, on y aura bien sûr Timothée qui ne va pas tarder à arriver. Sans oublier le coup de cœur de la semaine, ce sera la nouveauté numéro 5 d'ici quelques instants. Galaxy avec à l'instant la quatrième nouveauté de la soirée de l'émission Horton Soul avec David Arnes et Roland Clark. Le titre The DJs, au pluriel s'il vous plaît, sur la belle Folia Records. C'est un label qui vient de où ça, Guy? Bonne question. Ah, je croyais que tu savais. Autant pour moi. On va à Timothée quand il arrive. Ah bah, je crois qu'il va pas tarder à arriver, il doit être en bas en ce moment-là. Allez, on enchaîne immédiatement. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Horton Soul. Horton Soul. Et justement, c'est le coup de cœur donc avec de la semaine avec Kerry Chandler que je vous laisse d'ailleurs présenter par Guy Anton juste là. Donc ben c'est Kerry Chandler avec le titre Kong sur le label Deeply House Rooted, un label français de DJ Deep, avec un vraiment très très bon track qui sonne vraiment très old school à écouter tout de suite. Et si vous voulez plus d'informations, www.myspace.com/deeplyrootedhouse. Thank you. avec un instant le coup de cœur de la semaine avec Kerry Chandler et le titre Kong sur le label Deeply House Rooted. Et plus d'informations sur le www.myspace.com/deeplyrooted/house, non, même pas house, tout attaché tout simplement. Alors je tiens à dire à tout le monde que non, je ne change pas de couche, même si je sais comment on fait. Mais que change-t-il alors? Bah écoute, ça c'est la bonne question. Non, je reviens, mais il y avait du monde sur la route. Bonjour à tous, en tout cas je suis content d'être avec vous. Ça va bien? Bah oui, écoute, ma foi, ça se passe bien. T'as un beau pull Matrix en tout cas. Ouais, c'est vrai. J'ai failli prendre en plus la musique de Matrix, mais je me suis dit, bon non, ça me servira. Bah, t'aurais pu, parce que c'est la même que la semaine dernière déjà. Bah ouais, mais bon, attention, là c'est pour la deuxième semaine. Après, la semaine prochaine, il y aura un autre truc. Hein. Non, mais la semaine prochaine, tu seras là à 18h. Hein. Je pourrais arriver en retard. C'est vrai. J'attends. Avec impatience la prochaine fois alors. Bon, tout va bien. Y a pas de soucis. Oui, bah écoute, en forme. Ouais. Je suis un peu déçu de pas pouvoir, enfin de pas être là à l'heure et surtout en plus de pas avoir pu parler de la dernière nouveauté parce que elle me tenait à cœur. Bah, tu peux en parler si tu veux. Hein. Non, mais c'est tout. Vous l'avez présenté, voilà. Non, mais c'était vraiment présenté. Un coup de cœur. C'était pour dire que c'était vraiment une bonne musique qu'on aimait bien. Kerry Chandler, c'est un king quand même. Ouais. Ah, ça c'est King clair. Kong quoi. Il était là. Ouais. Ouais, est-ce que je peux dire bonjour à mes amis du centre aéré, ils sont en train de m'écouter? Bien sûr! Bonjour. C'est beau. Allez, petite pause, juste histoire de se tourner un petit peu vers l'agenda Galaxy. Et juste après, on reviendra avec toute l'actualité des différents artistes et des labels. Alors, quelques informations de proximité, justement. On va commencer avec la boîte à musique qu'on vous a déjà présentée tout à l'heure, vers 17h30, avec deux concerts qui sont organisés demain, mercredi, à partir de 20h30, donc à la boîte à musique de Wetrollo, avec une soirée en compagnie de Vice Squad, un groupe anglais. Et si vous voulez des renseignements, également, obtenir vos entrées, et eh bien vous appelez le 03 20 75 85 86. Une autre information concernant cette fois-ci des jeux de scène qui se déroulent samedi 1er et dimanche 2 mars au centre socio-éducatif de Wetrollo. Pour en savoir plus, vous pouvez bien sûr toujours contacter le numéro de téléphone suivant, le 03 20 99 91 19. Et sachez que vous pouvez obtenir d'autres informations directement sur le site de Galaxy, www.galaxy.fm.com tout simplement. Voilà, je crois que tout est dit, ça va? Bravo! Et tout ça, tu es le champion pour cet agenda. Moi, je trouve que tu es le meilleur. Merci. Mais tout ça en plus en calant 50 trucs à la fois. Hein. Ouais, donc les CD, on les enlève, on les met, on sélectionne les plages. J'ai du boulot. On paraît pas comme ça. Mais bonjour le Guillaume, il gère. Ouais, j'espère que je ne suis pas trompé en tout cas pour la prochaine news. D'ailleurs, on va parler quoi là maintenant en fait? Justement, il n'y a plus de news, c'est fini. Ah, d'accord. Mais je pense que Tony nous a préparé un petit truc. Petite impro. Une petite impro sur Franck Roger. Allez, une petite impro ou Jourdan? Je redonne plutôt. Hein? Il s'est fait voler ses papiers en direct à la radio. Plus, c'est pas moi, hein. Je jure que c'est pas moi. Ça peut pas être moi, je viens d'arriver. Ah, et en fait, c'est simple, on va dire à Guy quand même. C'est le directeur qui est descendu tout à l'heure. Et en fait, il remontait exprès pour donner les petits papiers. Il a dit tiens, te donne lui si jamais il sait plus. Sacré Jean-Pierre. Sacré Jean-Pierre. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Et justement, avec l'artiste de la semaine, ou l'artiste, ou le label? L'artiste, on va commencer par l'artiste. Un artiste français, un parisien, avec un nom bien français. Ah. On peut prononcer Franck Roger ou Franck Roger, comme à l'anglaise. À l'anglaise, ouais. Donc, on va commencer par sa devise, tout simplement, c'est « To be free, to do what I want ». Il aime bien commencer toujours par une petite devise, je trouve. Ça caractérise au moins la volonté de l'artiste. Est-ce que tu peux traduire en français? Bah, il est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être libertin, je sais pas, mais en tout cas, il est libre de faire ce qu'il veut. Ah, ça, peut-être un point commun avec notre ami. Mais qu'est-ce que t'as l'air de dire, toi? Je sais pas, t'as un pull capuche, donc. Tu m'as vu au milieu. Donc, Franck Roger, on va parler un peu de son label. Donc, il a un label qui est plus ou moins connu dans le milieu Deep House, le label Real Tone Records, avec une subdivision, c'est Earthstrumental, avec un son un peu plus dub, sans trop de vocal, etc. Et puis il vient de créer un label digital avec toutes ses sorties qui ne sont jamais sorties en fait. Ah ouais. Unreleased. Donc en fait il s'autoproduit quoi. Voilà, oui. Et on en entendra une après d'ailleurs. Donc il a été influencé par des artistes comme Stevie Wonder, Vince Montana, Blaze, donc des influences un peu dans tous les esprits, dans tous les styles. Il a commencé grâce notamment à la première sortie sur le label parisien Straight Up, et c'est ça qui l'a fait rentrer dans la scène parisienne. Ensuite de là, il a signé sur vraiment beaucoup de labels prestigieux comme Defected, entre autres, ou King Street, label aussi de Mr. V. Et il a pu aussi collaborer avec Mr. V, Alix Alvarez, un peu toute la clique Deep House. Il est aussi résident au June, un très bon club parisien qui est très réputé dans le monde entier, et notamment pour ses soirées 5 Beats, où il a déjà pu jouer aux côtés de Laurent Garnier, Dixon, Blaze, pour ne citer que. Et il est vraiment, vraiment très respecté depuis son album qui est sorti en 2006, et on espère en attendre d'autres. Qu'est-ce qui se passe? T'as pris du canigou au Florizant? Et donc voilà, on va retrouver son titre Phaser tout de suite. Il est là papa. Il y a pas de problème. Phaser justement sur le label de Folk Roger, le label Unreleased. Voici Phaser. We'll be right back. aussi avec un instant l'artiste de la semaine dans l'émission Art and Soul avec Timothée Milton et Huggy Anton qui nous ont rejoint déjà depuis 18h maintenant. C'était Frank Roger avec le titre Father sur le label Unreleased Records. On peut éventuellement rappeler à nos amis internautes quelques informations sur le net. www.myspace.com/FrankRoger ou sinon sur le site www.riltonrecords.com. Impeccable. Bon, ben je crois qu'on va enchaîner facilement avec cette fois-ci le label de la semaine. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Et c'est pas commencé, il est déjà en train de rire. c'est que je l'écris. C'est le canigou euphorisant, je crois. Hein. Ça va être ça. Ouais, je crois, ouais. Non, mais la première phrase, elle m'a fait penser à un film, en fait. Attends, j'ai pas encore lu. Une petite Attends. Cité de la peur. Ouais, alors là, c'est carrément dedans. C'est vrai que j'avais pas vu. Allez, donc, le label de la semaine, c'est le label Tony Records. C'est sympa, comme oui. C'est pas le label de Tony, le vrai Tony qui est à côté de moi, mais le label de Tony Humphries. Alors, né à Orange. Alors en fait normalement c'est vrai que c'est né à Oran dans le film, mais là donc c'est né à Orange dans le New Jersey, donc en 2005, parce que c'était le petit truc que j'avais pas rajouté, en 2005 par le grand Tony Humphries. Alors pour ceux qui connaissent pas Tony Humphries, c'est l'un des fondateurs de la House Underground, c'est lui le précurseur, s'il vous plaît, oui, le précurseur du style garage soulful. Donc c'est un petit peu dans le thème puisque c'est un peu ce qu'on représente plus ou moins dans notre émission. Il est beaucoup admiré par les plus grands DJ du monde entier, donc il y a vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, on m'a même dit qu'il n'y a pas longtemps que Louis Vega, tout ça, l'admirait. Donc on aurait pensé le contraire, puisque Louis Vega, pour moi, était un peu plus... et en fait, finalement, non. Parce qu'il a depuis des années, en fait, depuis 1980, apparemment, il est sur la scène house. Et donc là, vraiment des précurseurs de la house music. Donc, son label qui remplace Yellow Orange, parce qu'il tenait avant le label Yellow Orange, comme Orange sa ville à mon avis, je pense. Yellow, je ne sais pas pourquoi, puisque il est peut-être le jaune. Ouais. Certainement. Il est vraiment basé sur une house très vocale, donc en fait tout ce qui sort sur ce label, c'est vraiment vocal. Nous sommes maintenant à la 9e sortie du label, et oui, on peut retrouver des artistes comme Todd Terry, Bernard Badi, Jaco, Jim Joint. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Jim Joint, ouais. Jim Joint. Un peu difficile. Crystal Reclear, et des featuring avec les plus grands comme DJ plutôt, excusez-moi, parce que DJ c'est pas pareil. Black Shampoo, Yvonne Brown. Et encore d'autres. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les infos avec les sorties. Aussi, il y a un très bon set de Tony Humphries que j'entends en ce moment parce que je l'écoute à fond. Et je propose à tout le monde de l'écouter parce qu'il est vraiment bien sur son. Donc rendez-vous site. Tous dans la voiture de Timothée. Non, je l'écoute chez moi. Parce que moi j'ai un poste à cassette. Pas dans la voiture, mais tous chez Tony. Il faut savoir que dans ma voiture, je n'ai pas de poste CD, j'ai un poste cassette. Moi je suis à la. Comme rétro, hein, tu sais, j'écoute les cassettes. Mes cassettes de 1990. Ah bah, je peux faire une petite parenthèse? Vas-y, dis-moi. Il y a le mix de Vince qui sera diffusé tout à l'heure à partir de 20h. Voilà, c'est le mix saut rétro en fait. Ah ok, là j'étais en train de. Ouais, parce que chercher la fin. Ouais, chercher la fin, mais non, il n'y a pas de fin. Okay. C'est une information très sérieuse. Donc je peux vous laisser le site internet de ce label, donc tonyrecords.net, tout simplement. Et tout de suite. Et attends, ne rigole pas de ce que j'écris. C'est pas parce que je l'écris comme ça que je le prononce comme ça. Alors arrête de rigoler, s'il te plaît. Vas-y. Non, c'est moi, je suis obligé d'écrire. Oui, donc Swist. Non, tout de suite, on va écouter la sortie numéro 6 avec le fameux Bernard Badi, featuring par Deji. Et c'est le titre Tonight. Mais arrête de rigoler dès que je parle. Donc voilà, tout de suite. Et puis plus d'infos sur myspace.com/TonyRecords. Come on, get on down. Oh. avec à l'instant l'un des titres du label de la semaine, justement, le label Tony Records, avec le titre Tonight, signé par Bernard Badi feat DJ, avec le titre qu'on vient d'entendre juste à l'instant. Une petite adresse internet pour nos... C'est bon ça. Ah ouais. Ah c'est bon. Oui, myspace.com/Tony Records ou encore TonyRecords.net. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Heart and Soul. Alors, justement, l'agenda des soirées, mais tout de suite quand même, petit tour du côté d'un club très très bien situé. Hein, à Anvers en Belgique. J'adore. Voilà. Un fief de la nuit belge. Exactement. Donc en fait, pour une fois, on va parler, encore une fois, un peu comme le June, un resto-club. On peut y manger, y faire la fête en même temps. Donc c'est le Stéréo Sushi. J'adore. Comme son nom l'indique. On dirait que c'est dans le morceau en plus. Hein. C'est moi qui fais la voix depuis tout à l'heure. En fait. Bon. Comme le nom du restaurant, on peut manger de la nourriture japonaise. D'accord. Donc, des sushis, pas de biki, hein, même si c'est en Belgique. Ah, mince. C'est pour ça que tu vas jamais alors. Ouais. J'ai bien compris. Donc en fait, ce club est créé il y a pas très longtemps, en 2005. C'est un club qui propose donc dans un cadre vraiment magnifique. J'ai vu les photos. J'y suis pas encore allé, mais ça ne serait tardé. Club, ouais, c'est vraiment un beau club. Et ils vous proposent une nourriture de qualité également, accompagnée d'un mix soulful, house, hip-hop, funk, soul, vraiment un peu de tout. Avec de très grands DJ qui sont passés. On a pu voir Joe Closel, Carrie Chandler, Dennis Ferrer, bientôt DJ Spina, Little Louis Vega, Kenny Dope. Un peu toute la clique house est passée là-bas. Pour un resto club, c'est quand même pas mal. Manger un petit sushi en écoutant des artistes de cette classe-là, ça le fait, je trouve. Hein. Et comment ça se passe en fait? C'est que les gens sont en train de manger, puis il y a une piste au milieu, et puis les gens dansent, ou alors c'est vraiment deux endroits différents? Il y a plusieurs parties dans le club. Il y a un dance floor où les gens peuvent un peu plus danser, mais sur les côtés on peut manger avec une musique un peu plus tamisée pour manger tranquillement, écouter un peu de bon son pendant ce temps-là. Tu D'accord. crois qu'il y a encore des sushis à partir de minuit, 1h? Non. Ça je sais pas, je pense c'est pas. Les sushis after. After sushi, non. Ouais, ça donne envie d'y aller. Hein. Et on peut aussi souligner qu'ils collaborent beaucoup avec des gros labels bien prestigieux. On peut retrouver bientôt le label Soul-Even, un sous-label de Defected qui sera représenté pendant 3-4 soirées. Également aussi le label Head Candy qui propose des soirées. On peut souvent écouter les résidents, notamment T-Max, qui est un DJ assez connu en Belgique. Pas de la région, mais de Belgique. Précise, on ne sait jamais. Et puis c'est un club qui ont réussi leur pari. C'était juste proposer quelque chose de différent en Belgique. Et pour moi, c'est le seul club en Belgique qui propose ceci. Donc maintenant, ils peuvent arrêter, quoi. Ils ont gagné leur pari. Ils peuvent fermer. C'est bon, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Attends, j'ai pas encore été. Peut-être. Tu vas aller, ça va fermer. Le Stéréo Sushi. Je crois qu'on en a même parlé la semaine dernière. Oui, tout à fait. Ouais, on a annoncé une soirée là-bas. C'était avec Danny Krivit. Et justement. Voilà. On va retrouver tout de suite un morceau qui ressemble, qui montre bien l'ambiance musicale du club, avec donc le Joy Cardwell, What It Feels, le remix de Danny Krivit sur le label King Street. Voilà, très bien. Donc si vous avez envie d'aller manger quelques sushis, eh bien allez faire un petit tour du côté de Anvers sur le club Le Stéréo Sushi, avec de la très très bonne musique et puis apparemment une très très bonne cuisine. Et voici l'un des titres de Joy Cardwell, comme vient de nous dire Gunton si joliment. C'est très bien, Guy. Si. What it feels like. Galaxy avec un instant Joey Cardwell, What It Feels, le remix de Danny Krivit sur le label King Street. Bonne réponse. Excellent. Avec une petite adresse MySpace également, qui est la suivante. En tout cas pour l'artiste Joey Cardwell. Voilà. Donc www.myspace.com, Joey Cardwell, Joy J-O-I C-A-R-D-W-E-2-L. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Et comme toutes les semaines, si vous n'avez aucun plan de prévu pour le week-end qui arrive, eh bien, écoutez bien quelques idées tout de suite proposées par Timothée et Huggy. Donc on commence par jeudi 21 du côté du Network, une bonne amie à nous qui fait une soirée là-bas, donc la soirée électronique boutique. On va retrouver Miss Noah et Deft T, donc pour un son Funky House. Vendredi 22, soirée spray avec Derek Carter, Jesse Rose et Phil Weeks au Bataclan, et ça se trouve du côté de Paris. Toujours sur Paris, du côté du Queen, on va retrouver la fameuse Swap in Paris avec Michael Canitro. Tony Gerlin aussi, il faut pas l'oublier, ce jeune homme. On l'aime bien aussi, et je voulais lui faire un petit coup de pub. Samedi 23, vous pourrez trouver la soirée 5 Beats avec Franck Roger et DJ Deep, deux artistes français pour le prix d'un, au June à Paris. Puis dans la région, du côté de l'âge de zoo, la soirée millionnaire avec Troydon et les résidents, Sima et Johan Chris. On part du côté de Londres au Sochaux. Au Sochaux, c'est bien ça. Sochaux, oui. Pour une soirée weekending avec Aaron Ross, Seji McIntosh, John Coulter, Alix Alvarez et Phil Usher. Et puis dimanche 24, du côté du June toujours, la soirée Dance Culture avec Glenn Underground et Greg Gauthier pour une programmation éclectique. Très bien. C'est bon ça, hein, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on peut retrouver ces informations sur un site internet ou un MySpace par exemple? Bien sûr, www.myspace.com/earthandsoulsound. Et vous pourrez aussi mettre des petites coms, tout ça, n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire. Et on va parler aussi une petite pub pour la soirée Earth and Soul Music qui aura lieu au Network jeudi prochain dans la petite salle. Donc vous pourrez retrouver Stewie M, Huggy Anton et moi-même. Donc un petit coup de pub, mais comme on est dans le thème, puisque c'est la soirée Earth and Soul Music. Donc n'hésitez pas, c'est entrée gratuite et jeudi prochain dans la petite salle du Network. On vous en reparlera de toute façon mardi prochain pour vous voir là-bas. Et à la même heure en plus, entre 18h et 19h. Toujours. Allez, tout de suite, le track Remember, mais quel est-il cette semaine? Alors, qui se trouve derrière ce pseudo difficile? Oui, ça va être dur. C'est souvent le même, hein. C'est vrai que c'est souvent, ouais, c'est souvent le même. On va arrêter, on va chercher un peu plus. Liquid Dope. D'accord, avec, c'est bien. Oui, bah oui, écoute. Avec le titre. Je peux parler encore ou... Vas-y, t'as 10 secondes. Hein. Ok. Avec le titre Rock Your Rock. C'est bien ça. Sur le label Dope Rocks. Alors, c'est Rock Your On, Rock Your. J'ai oublié le On, excuse-moi. Voilà, sur le label Dope Rocks, encore souvenir. Fire. Galaxy avec un instant le track Remember que notre ami Timothée va nous faire le plaisir de nous rappeler. Liquid Dope avec le titre Rock You Run Rock You. Parce que j'avais oublié le on tout à l'heure sur le label Dope Wax. Et toutes les infos sur myspace.com/KennyDope. Donc en fait Kenny Dope se cache sous le pseudo Liquid Dope. Je ne sais pas si tout le monde avait trouvé, mais c'était la bonne réponse en tout cas. Dope, c'est pas une marque de bain douche ça? Ah non. Il y en a un ici qui en a vraiment besoin hein, en tout cas. Je ne connais pas. Qui êtes-vous? Heart and Soul, présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Kyo. Heart and Soul. Eh bien voilà, ça se termine une nouvelle fois. Bah oui, c'était rapide, hein. Ouais, une, hein. Ça a été vite, hein, quand même. Bah, impeccable, hein. Franchement, bah, écoute, timing, nos props, hein. Respecté, on est à l'heure. Voilà. Toujours à l'heure, impeccable. Quelques odeurs aussi. Non mais là, je rentre me laver là. Tu vas changer ta couche en fait. Mais arrête avec ça, je ne change pas les couches. Je suis directeur adjoint, s'il vous plaît. Ah. J'ai eu promotion. Mes respects, monsieur le directeur. Bon, écoute, je pense qu'on va devoir se quitter, malheureusement. Bah écoute, ouais, mais bon, on se retrouve aussi la semaine prochaine. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Peut-être une petite interview pour la semaine prochaine. C'est en pour parler vraiment. Avec un très très gros artiste, mais on attend de voir. Enfin, en tout cas, c'est très prochainement. Et puis peut-être encore des cadeaux à gagner, tout ça. Ouais, et d'ailleurs, il y en a toujours qui sont venus chercher leurs cadeaux de la semaine dernière. Ah, la plupart sont venus, hein. Ouais. Il y en a encore peut-être deux. Hein. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça. Les deux demoiselles, ils sont venus en tout cas, ils sont venus dans notre émission, c'est ça hein. Ah, je sais pas, si elles sont venues, c'est toi qui les as réceptionnées alors. Ah, ok, bon. Bah, j'aurais pas dû. Tu devais dormir. T'as dû prendre des somnifères. Soirée somnifères. Et si vous avez des infos, des questions ou quoi que ce soit, www.myspace.com/heartandsoulsound pour toute critique ou chose positive ou négative. Encouragement, voilà, c'est le réflexe www.myspace.com/heartandsoulsound. Heureusement bon, que Tony est là pour remonter le truc, hein, parce qu'à chaque fois, t'as vu hein. C'est vrai que, ouais. Ça part enfin, je vais arrêter de parler, sinon on va dire que je m'acharne sur toi, donc. Ouais, arrête, s'il te plaît. À la semaine prochaine. Bah oui, à écoute, la semaine prochaine, Guillaume, salut tout le monde. Et tout le monde à l'heure. Allez, bonne soirée. Et bonne semaine, ciao.